histoire particulière. Vous vous souvenez de Guy Lux et de l'émission La Une est à vous ? C'était la première émission interactive de l'histoire de la télévision. Au standard SVP 1111, les téléspectateurs avaient le choix entre plusieurs catégories. Parmi les feuilletons, Vidocq, Amicalement Vôtre, Chapeau Melon et Bottes de Cuir, Mission Impossible, Les Mystères de l'Ouest. Aujourd'hui, Sacha Corso et Laurent Polleret vous proposent en nouvelle diffusion l'histoire d'un personnage culte. Qui êtes-vous ? Lieutenant Colombo, police. Je ne comprends pas. Colombo, les 50 ans d'un anti-héros de génie. Un documentaire de Sacha Corso, réalisé par Laurent Polleret. Premier épisode, exercice fatal. C'est un univers, Colombo, moi, qui m'a toujours plu, que je trouve à la fois confortable et pas violent. Donc c'est un grand plaisir de téléspectateur, d'abord, et historiquement. Et j'ai eu ce plaisir, un peu à ricochet, de me plonger dans une Amérique qui n'a jamais existé, mais qui, pour nous, Européens, a des souvenirs d'enfance et un petit peu de caricature. Comme une Amérique rêvée, quelque part mythologique. Exactement, avec des rues, avec une ambiance, des voitures qu'on ne voit plus depuis très longtemps, des grandes voitures qu'on n'a jamais eues en Europe, avec des drugstores, avec les gens qui vont faire leurs courses et qui sortent avec des sacs en papier Kraft dont on se demande pourquoi ils ont été créés. Enfin, c'est tout ça, c'est parce qu'il y a une forme d'exotisme. Il y a un aspect intéressant dans les années 70 qui est quand même une esthétique particulière. Et puis cette fin d'une certaine Amérique, en gros. Hein. Donc il y a ce moment du début du presque déclin, mais il y a ce quelque chose qui se passe, ces derniers moments d'une classe dominante qui va commencer à glisser avec le choc pétrolier. Enfin, c'est ma vision en tout cas de la chose. Est-ce qu'il y a une partie de nostalgie ? Je ne sais pas, peut-être. Hein. Là, c'est un élément personnel. Il faudrait demander à un panel de téléspectateurs qui ne connaît pas la série et qui la découvre en 2019. On est dans le sillage des années 1960 qui, aux États-Unis comme en Europe, ont été marqués par une très forte agitation sociale, par des mouvements contestataires, la remise en cause de beaucoup de rapports d'autorité, la remise en cause de rapports de domination. Il faut penser au mouvement des droits civiques, par exemple, au mouvement pacifiste. Hein, on est pendant la guerre du Vietnam. Le mouvement féministe. Donc, il y a une effervescence contestataire qui remet en cause beaucoup de pouvoir. Et sans doute que Colombo, à sa manière, hein, à travers de multiplicité de médiations, et aussi participe de cette remise en cause des rapports de domination, parce que on a un policier qui est de condition modeste, qui est vraiment un Américain moyen, mais au sens vraiment très moyen, et qui s'affronte à des dominants. Colombo est une série policière, ça c'est facile à classer. Cependant, tout de suite, il faut le dire qu'elle se distingue des autres par le fait qu'il y a un système d'énigmes inversées. La plupart des séries policières, le téléspectateur ou le spectateur quand il s'agit d'un film, se projette un peu sur le policier et vise à découvrir le meurtrier ou le délinquant. Tandis que là, dès le départ, on pourrait dire que ça fait pchit et qu'il n'y a aucun suspense sur qui a commis quoi et pour quelle raison, à part quelques épisodes atypiques. Colombo est vraiment une série et pas un feuilleton, c'est-à-dire un ensemble d'épisodes qui peuvent être vus séparément avec finalement peu ou pas d'évolution psychologique et la répétition de ce que certains appellent un scénario exemplaire. Donc effectivement, c'est toujours ça, en l'occurrence, le lieutenant Colombo qui arrive dans un milieu dans lequel il n'est pas à l'aise, qui va être pris de haut, méprisé, où les jeunes de maintenant diraient absolument pas calculé, par celui que le téléspectateur sait être le criminel. Et finalement, pendant 10 ou 15 minutes, le criminel va tolérer sa présence et il va se dire qu'après un ensemble de questions, il va s'en débarrasser facilement. Ensuite, effectivement, les choses commencent à tourner, à changer, et le criminel va se rendre compte que ce lieutenant de police qui a une mise relativement minable quand même, une sorte de presque clochard, on pourrait dire, est quand même assez futé et en tout cas diablement tenace. Et en recoupant des informations, en cherchant des détails, qui vont faire que la nasse va se refermer petit à petit. Et à ce moment-là, en général, le puissant va essayer de jouer de relations pour essayer de faire ou retirer l'enquête, ou il va essayer de partir en voyage, il va essayer finalement de s'enfuir. Parce qu'il va, à ce moment-là, il comprend, il y a la bascule. Il sait que si ça continue, le crime va être démontré, sa culpabilité est démontrée. Donc il va essayer de jouer des relations. Et là, c'est la chance du criminel de se retrouver dans des sphères élevées pour faire jouer de relations politiques ou auprès directement parfois du supérieur de Colombo. Et bon, ça ne va pas fonctionner, ou en tout cas pas très longtemps. Et Colombo, c'est un petit peu le boomerang, hein. Vous le lancez et il revient aussi fort que vous l'avez lancé et vous le prenez en pleine figure. C'est ce qui se passe dans les scènes finales. À mon commandement, à droite. J'étais passé vous voir à votre bureau, mais quand je vous ai vu sur le terrain, je me suis dit, il vaut peut-être mieux que je lui en parle tout de suite. À quel sujet? Je suppose que vous avez vu le collègue à qui j'étais en train de parler, là. Qui est-il? Le sergent Kennedy, de la balistique, mon colonel. J'avais un petit problème au sujet du bruit de l'explosion. Trop fort. Le bruit? Savez-vous qu'on l'a entendu jusqu'à Westlake? 12 kilomètres. Il ne l'avait jamais entendu avant, et c'est ça qui me tracasse depuis hier. C'est même ça qui m'a réveillé à 3 heures du matin, mais ça, c'est une autre histoire. Enfin, bref, je me suis levé, j'ai téléphoné au Kennedy en question pour lui demander de vérifier quelque chose. Concernant l'accident? Je vais vous dire ce qu'il a trouvé. Il a récupéré des morceaux de métal, des débris du canon. Il les a fait analyser. C'est assez troublant. Comment ça, troublant? Quelques traces de... Gélignite. C'est bien ce mot-là? Gélignite. Gélignite. C8. Vous me permettez? Le premier épisode date de 1968. Les gens qui s'intéressent à Colombo parlent de deux périodes, en fait, les épisodes anciens, les épisodes classiques, pendant une bonne dizaine d'années, jusqu'en 1978, 45 épisodes tournés, et une série qui renaît une dizaine d'années plus tard, en 1989, pour 24 épisodes, le dernier étant été tourné en 2003. Pourquoi est-ce qu'elle est si populaire, cette série? Donc, vous m'avez parlé un peu peut-être des innovations, le mystère inversé, etc. Voilà. De manière générale, qu'est-ce qui explique le succès de Colombo? Moi, je ne crois pas que ce soit le mystère inversé qui explique le succès. Alors, beaucoup de gens, alors bien malin, celui qui sait pourquoi ça a fonctionné, bon, beaucoup de gens ont écrit là-dessus, même Peter Falk pense que c'est l'idée de l'homme ordinaire sur lequel on peut se projeter, nous, téléspectateurs. C'est pas un super flic du tout, c'est quelqu'un qui est même pratiquement moins qu'ordinaire. Donc, il y a l'idée du monsieur tout le monde avec des aptitudes supérieures. Ce que je vois aussi, c'est que Colombo, il n'est pas clivant. Il n'a pas de position forte contre ci ou contre ça. Le seul regard rétrospectif qui pourrait amener à cliver, c'est qu'il fume le cigare. C'est une autre époque. Hein. Maintenant, quand on voit des films ou des séries, on est étonné de voir que même en France, mais on fumait tout le temps, partout. C'est le seul aspect, mais c'est vraiment de la rétrovision. Hein. Il n'est pas du tout clivant. Les gens aiment bien les gimmicks aussi. C'est le propos de la série. Les enfants aussi aiment bien qu'on leur raconte sans arrêt la même histoire. Donc bon, sans détailler, il y a quand même l'imperméable, la voiture, le chien à moitié endormi, la femme qu'on voit jamais. Tout ça, ça plaît aux gens. Et je crois qu'il y a un autre aspect, c'est que finalement, Colombo valorise le téléspectateur. Pourquoi? Parce que finalement, à la fin de cette confrontation, le meurtrier, c'est toujours quelqu'un avec un niveau intellectuel largement supérieur à la moyenne. Il y a parfois, il y a un épisode dans lequel d'ailleurs, on peut dire un génie. Mais Colombo, sous ses airs bonasses et assez médiocres, finit par leur être supérieur. Or, le téléspectateur, lui, depuis le début de l'épisode, il sait qui a tué et pourquoi. Donc, le téléspectateur, comme dans d'autres films où on vous montre des détails, il est valorisé par le fait que lui, il sait. Il regarde Colombo, mais il est ses spectateurs est plus fort que Colombo, parce que je vais voir comment tu vas t'en sortir. Donc finalement, il est plus fort que Colombo, qui est lui-même plus fort que le meurtrier. Donc c'est quand même sacrément valorisant. Je pense que ça peut jouer. Docteur, une minute. Il est mort de quoi? Vous le gardez pour vous? Sur la tête de ma belle-mère. Il faisait probablement des mouvements avec cette barre qui lui aura échappé et qui lui est retombée sur la gorge. Il lui a broyé la trachée artère. Vous êtes sûr? Je suis sûr que la trachée a bien été écrasée. Mais qui sait, il est peut-être mort avant d'une crise cardiaque. Peut-être. Ou bien empoisonné. Empoisonné? Oui, il a mangé de la cuisine chinoise hier soir. Oh, je vois, et peut-être un de ses clients aura versé le poison au passage, à moins qu'il ne soit mort simplement d'avoir trop mangé. Bon, vigilez-moi, hein. Je veux seulement vous conseiller d'attendre l'autopsie. Ouais. Madame le commissaire Aurore Piana, dans le cadre de vos fonctions à la PJ de Versailles en 1995, vous avez eu à résoudre une affaire criminelle où les meurtriers s'étaient inspirés d'un épisode de Columbo. Pouvez-vous nous en parler ? Donc il s'agit en fait du meurtre qui aurait pu être un meurtre parfait en fait. La femme de la victime et son amant donc ont tué donc monsieur Victorska. Cette affaire était assez singulière à deux niveaux puisque dans ma carrière j'en ai vu qu'une seule pour deux raisons. Un, sur ça aurait pu être le crime parfait. Et deux, elle s'est inspirée de la série Columbo. Donc ça, c'est vrai qu'on ne rencontre pas toujours dans son vécu ce type de fait. À quelques heures près, on a arrêté donc le processus d'incinération du corps de la victime. Et à partir de là, les constatations des médecins légistes ont déterminé qu'il ne s'agissait pas d'un accident, mais bel et bien d'un meurtre. Et en quelques jours, hein, puisque l'affaire a été résolue en 4 jours, on a réussi donc à confondre les auteurs des faits, qui étaient donc la femme et l'amant. C'était assez extraordinaire. Alors, juste pour vous résumer, c'est qu'en fait, la victime était retrouvée sur un banc de musculation, avec une barre donc de traction en travers de sa gorge. Aussi bien les enquêteurs que les médecins avaient conclu donc à un malaise cardiaque qui s'était transformé avec une asphyxie par le poids de la barre sur la trachée en fait. Et effectivement, quand on voit la scène, ça semble logique. Je veux dire, il fallait aller au-delà, et c'est ce renseignement anonyme qu'on a eu qui nous a permis après d'agir sur cette affaire. Quel est ce renseignement ? Des collègues parisiens qui nous appellent, qui dans leur contact en fait, hein, dans leur travail, ont quelqu'un qui les renseigne en fait en matière de trafic de stupéfiants, et ils nous passent cette information en nous disant que la personne qui est décédée dans le 95 n'est pas en fait, ce n'est pas un accident, contrairement à ce que veut faire croire donc la femme du défunt, mais il s'agirait bien d'un acte criminel. On n'a pas plus d'informations que ça au démarrage, mais le fait que cette personne soit une source fiable du service avec des éléments qui avaient déjà été vérifiés et sur lesquels on peut quand même faire confiance, fait qu'on ne prend pas la légère et qu'on agit immédiatement. Voilà, pour nous, ce relais avec nos collègues, en fait, fait qu'on pense qu'il faut traiter ce renseignement. On ne peut pas le laisser en l'état. L'auteur du coup de fil est la dame qui loge l'amant. La source donc des policiers parisiens, en fait, est en contact avec l'amant. C'est quelqu'un qu'elle héberge. Ils ont une relation qui est plutôt liée, elle est un peu consommatrice de stupéfiants, si vous voulez, donc ils ont cette relation-là. Elle le connaît, et lui, il est évadé, en fait, puisqu'il n'a pas réintégré, donc il purge une peine, mais il n'a pas réintégré la maison d'arrêt, donc on le considère pénalement comme évadé. Et elle le protège, elle le loge, parce qu'il faut bien qu'il aille d'une maison à une autre, entre deux. Et au cours de leur conversation, il lui a fait une confidence sur ce qui s'est passé, en fait, avec Madame Victorska, son mari, sans vraiment porter les détails en fait du mode opératoire utilisé ou ce qu'ils ont fait, mais en lui laissant quand même largement sous-entendre qu'il était l'auteur d'un meurtre. Et de là, on part de cette information-là, qui est brute, sans aucun élément, de plus que ce qu'elle nous rapporte. Mais elle pense que c'est important de le dire, et connaissant le personnage de M. Cézelet en un homme quand même qui est déjà très connu défavorablement des services de police, pouvant être violent et avoir une psychologie particulière, elle pense que c'est possible. C'est pour ça qu'elle veut l'expliquer aux policiers. Quoi. Elle le donne, elle ne le garde pas pour elle. Il se passe combien de temps avant de découvrir que la réalité s'est inspirée de la fiction ? Il y a eu plusieurs mois, puisqu'en fait, derrière la partie donc, d'enquête qu'on a traité donc un flagrant délit, les personnes ont été donc incarcérées. Et nous avons une information judiciaire donc d'ouverte avec un juge d'instruction qui était en charge de ce dossier, et on s'est attaché en fait à démonter, à travailler sur tous les scénarios que l'amant avait essayé de trouver pour attenter à la vie de M. Victorska. Donc on a travaillé là-dessus, et c'est dans cette phase de travail, je dirais, que personnellement je retombe sur l'épisode de Columbo, parce qu'ils sont diffusés quand même régulièrement. Et où là, je suis en arrêt et je rentre vraiment au service en disant à mes collègues, voilà, l'inspiration, elle vient de là. C'est plus la peine qu'on cherche, elle vient de cet épisode, parce que c'est clair et net, c'est vraiment le même mode opératoire, quoi. J'imagine le choc que ça a dû être, le visionnage de l'épisode, donc. J'ai remercié, en fait, la télé, finalement, parce que je me dis que, sans fiction, peut-être que notre amant coupable n'aurait pas eu l'idée de faire ça de cette façon-là. Mais moi, j'en suis restée au fait où, comme dans la série, on a réussi à trouver l'auteur. Donc, en fait, on peut bien s'inspirer des meurtres soi-disant parfaits, il reste quand même de l'humain, du travail de policier qui fait qu'on arrive quand même à déjouer les actes les plus horribles, quoi. Vous disiez à l'instant qu'il devait y avoir eu lutte. Oui, en effet, c'est bien ce que j'ai dit. Le laboratoire a établi que ces marques venaient des souliers de Jim Stafford. Et j'ai réfléchi aux circonstances qui ont incité la victime à courir sur un parquet fraîchement ciré avec ses souliers, alors qu'il avait des chaussons dans son vestiaire et qu'il connaissait la consigne. Alors, j'en ai conclu que quelqu'un devait le poursuivre. Qui pouvait lui en vouloir? Oh, ça, j'en sais rien. Mais si un ou plusieurs hommes couraient après lui et l'ont rattrapé, il est bien possible que ce soit là qu'il ait eu le cou brisé. Seulement, le problème, c'est qu'il avait ses chaussures aux pieds quand on le poursuivait. Mais quand on a retrouvé le corps, il avait ses chaussons et son survêtement. Il n'est pas impossible que si son poursuivant l'a tué, il l'ait déshabillé et changé de vêtements pour simuler un accident. Lieutenant, j'ai fait une déclaration et je vous ai déjà dit que Jean Stafford m'a téléphoné vers 9h. Il s'était changé pour faire sa gymnastique. Mais oui, je me rappelle. Voilà. Bon, je vous remercie encore et mes excuses pour le dérangement. Au revoir. Vos pilules. Ah oui, je vais les garder pour ce soir. Merci. N'oubliez pas, le grand air, l'exercice et une alimentation équilibrée. Ça, j'oublierai pas. C'est parfait. Excusez-moi. Madame le commissaire Piana, donc si je comprends bien, tout tient au coup de fil. C'est-à-dire que si le meurtrier n'avait pas avoué le méfait à sa logeuse, on était face à un meurtre parfait. On espère quand même toujours qu'ils vont commettre des erreurs. De mon souvenir, il était assez présomptueux de sa facilité à exécuter les choses. Il avait un orgueil personnel assez haut. Et je pense que ça peut... Je dirais, un bon criminel pourrait aller au meurtre parfait, mais en restant dans l'humilité. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'à partir du moment où on peut se faire valoir d'avoir réussi, et je pense que quand il lui tient ce discours, il pense sincèrement qu'ils ont réussi. Puisque les policiers sont arrivés sur place, et le médecin qui se déplace dit que c'est accidentel. Et ils ont cette information-là. Donc pour eux, c'est clair, il n'y a pas de dossier, pour eux, il n'y a pas d'enquête. Je me souviens très bien que quand on annonce que le corps ne sera pas incinéré à madame, elle ne sait pas ce qui se passe. Elle ne comprend pas ce qui se passe d'un coup, et là, on la laisse dans ce flou, justement, pour travailler et pour voir. Et sa réaction au téléphone qu'on a, je m'en souviens très bien, nous laisse penser qu'on est dans le vrai. Donc là, après, on déroule après. Est-ce que vous pouvez nous faire un portrait robot du coupable type de la série ? Il est riche et célèbre, et puissant, il est très arrogant. C'est quelque chose, c'est un des ressorts comiques encore de la série, c'est-à-dire que cet assassin est sûr de lui. Il est sûr d'avoir commis un crime parfait. Il est hors d'atteinte de ce policier vraiment désemparé, démuni, naïf, qu'il prend vraiment pour un imbécile. Donc c'est le portrait robot, c'est quelqu'un de condescendant, puissant, riche, qui peut être beau ou belle. C'est-à-dire on a une minorité de criminels, de femmes qui commettent des meurtres, qui sont souvent des femmes d'âge mûr, qui restent très belles, très séduisantes. Et c'est une des expressions de leur puissance, c'est-à-dire qu'elles sont en mesure, y compris d'imposer leur volonté à la nature. C'est-à-dire que les ânes n'ont pas véritablement de prise sur elles. Et elles jouent aussi de leur séduction sur le lieutenant, qui se laisse souvent séduire, mais pas totalement, ce qui lui permet de les confondre à la fin de l'épisode. Mais voilà, de manière générale, c'est quelqu'un de puissant et d'arrogant, et qui est piégé par son propre sentiment de puissance, parce qu'il n'a pas senti venir le danger incarné par, une nouvelle fois, ce policier mal dégrossi, inélégant et en apparence seulement extrêmement naïf. Il y a quelque chose de louche, déjà, à la base de leur fortune. Beaucoup d'assassins dans Columbo sont des gens qui ont réussi, mais dont la réussite masque quelque chose, masque une faute originelle. Ils ont éventuellement fait carrière, mais en éliminant un partenaire. Ils ont, ils se sont lancés dans l'industrie à partir d'un brevet, d'une invention, mais en fait, c'était pas leur invention à eux. Ou ils ont fait une carrière scientifique, mais parce qu'ils ont plagié les résultats d'un collègue qu'ils ont éliminé, ou qu'ils ont disqualifié, qu'ils ont fait disparaître. Et souvent, de ce passé un peu honteux, il y a un fantôme qui revient, le partenaire qui a été évincé, qui a été disqualifié, revient pour demander justice. Souvent, il revient pour exercer un chantage. Et donc là, c'est à la fois la notoriété, la légitimité de l'inventeur, de la star qui est menacée, et puis c'est aussi sa fortune. Parce que le maître chanteur demande des sommes à la mesure de ce dont il a été spolié. Et donc, c'est de là que souvent naît l'idée du meurtre. Il faut se débarrasser du maître chanteur. Il faut se mettre à l'abri pour pouvoir préserver cette fortune, cette notoriété, cette célébrité. Et ce que nous dit la série, c'est que ce personnage extrêmement emblématique de la société américaine qui est le self-made man, celui qui réussit par sa propre inventivité, son propre talent, son propre courage, sa ténacité. En fait, ce personnage a toutes les chances d'être un usurpateur, d'être un menteur. On peut pas réussir tout seul, véritablement tout seul. C'est que on a dû éliminer des partenaires parce que la réussite, c'est quelque chose de collectif. Et si on prétend y être parvenu seul, c'est que on a éliminé des partenaires. Donc il y a, et c'est là aussi une des dimensions critiques extrêmement fortes pour la société américaine, de remettre en cause ce personnage central de l'individu qui réussit par son seul talent. Non, si un personnage prétend ça, c'est que c'est un imposteur. Bonsoir, docteur. Je vais monter en passant à vous dire une chose qui va sans doute vous intéresser. Vous aimez la lecture, à ce que je vois? Oui, beaucoup. Vous lisez des policiers? Non, rarement, je dois dire. Ah, moi, j'adore ça. Je trouve que c'est reposant. Oui, le seul petit ennui, c'est que ça n'a rien à voir avec la réalité. Non, je veux dire que le détective trouve toujours le coupable. Et vous et moi, on sait bien que dans la vie, c'est pas toujours vrai. Désormais pas. Mon pardon? Les insinuations, marche et contre-marche. Vous êtes plein de malice, je vous l'ai déjà dit, jusqu'au bout des doigts, lieutenant. Expliquez-vous, docteur. Je vais en quelque sorte vous révéler à vous-même. Vous voulez être psychanalysé, bien que je n'en vois pas la nécessité. Sans qu'il y ait rien de pathologique, vous êtes un parfait exemple de compensation, d'adaptabilité. Vous êtes un homme intelligent, mais vous le cachez. Vous jouez les lourdeaux, et à cause de quoi? Peut-être votre physique. Vous ne pouvez guère impressionner les gens par manque de prestance, alors vous tirez avantage de cette déficience. Vous attaquez l'ennemi par surprise. Il vous sous-estime et, résultat, il tombe dans le piège à pieds joints. C'est ce que vous attendiez, non? Voilà, vous m'avez bien deviné, même miagne, docteur. Faut jouer drôlement serré avec vous, hein? Et on peut vraiment dire que vous me faites pas de cadeau. Si vous l'avez un peu en tête, cet échange avec le docteur Ray Fleming, je crois, comment est-ce qu'il voit Columbo? Donc, quelle est la lecture psy de Columbo? Ils boivent un verre dans son bureau, donc il a assassiné sa femme en utilisant sa maîtresse pour faire croire que c'était sa femme, puis en faisant semblant de revenir de déplacement et de découvrir qu'elle a été assassinée au cours d'un pseudo cambriolage, et il tombe sur Columbo qui est déjà dans l'appartement mais qu'il n'a pas vu, donc il y a des tas d'échanges et de quiproquos assez compliqués, et puis à un moment ils sont tous les deux dans son bureau en train de boire un verre d'ailleurs, je crois, un peu paradoxal dans la maison Poulaga, et le psy lui dit « Non mais il faut arrêter de me prendre pour un idiot, je sais très bien ce que vous faites, vous faites passer pour un idiot, vous jouez au l'idiot, vous vous rappelez toujours un truc que vous avez perdu, vous n'avez rien perdu, votre esprit est extrêmement organisé, extrêmement structuré, et vous avez créé un personnage, etc. » Et Columbo est assez fun parce qu'il lui dit « Vous avez parfaitement compris qui j'étais, et donc je vais vous avoir. » Là, c'est la révélation de ce que va être le personnage de Columbo, fait par un personnage qui n'est pas Columbo, et avec un Columbo qui lui-même explique, Peter Fall, qu'il n'a pas encore totalement carré son personnage, mais que cette réplique-là va l'aider, en fait, à finaliser le Columbo qui va s'affirmer au fil des épisodes suivants, qui seront là 2 ans après. La question, de toute façon, que se pose tout le monde, c'est grand naïf ou génie manipulateur? on commence par penser que c'est un grand naïf et on termine par voir le génie. C'est bien ça, Columbo. Oh non, je crois qu'on voit tout de suite que c'est un génie manipulateur. Mais on n'ose pas... On se demande si on a bien compris. Jusqu'au moment où le psy dit « Mais je sais très bien qui vous êtes et vous êtes un génie manipulateur. » Et d'ailleurs, personne ne nous laisse en douter à cause justement de cette scène avec le psy qui nous dit « Voilà, la Bible de votre personnage, c'est ça, vous êtes un génie manipulateur. » Et Columbo dit « Vous m'avez percé à jour. » Je vais vous demander, docteur, voudriez-vous de moi comme client ? De vous comme quoi ? Oui, je me suis dit que vous pourriez peut-être m'aider. Je sais pas ce que c'est, mais j'ai quelque chose qui ne tourne pas rond. J'ai comme l'impression, parfois, d'ennuyer le monde, de l'énerver. Quand vous parlez d'humilité, c'est bien d'une fausse humilité. Alors probablement, il y a une part de vrai à partir de son histoire personnelle. Et puis ensuite, effectivement, c'est l'utilisation qu'il en fait. Et cette utilisation, on voit bien qu'elle est un véritable outil pour pouvoir résoudre les enquêtes, mais surtout pour pouvoir atteindre l'autre d'une certaine façon, c'est-à-dire toucher l'autre à travers cette humilité et ne pas mettre l'autre dans une situation trop méfiante. Donc voilà, il utilise cette humilité pour entrer dans la relation et finalement être en position basse. Et lui, il l'utilise, bon, évidemment, à dessein pour les enquêtes qu'il a à résoudre et surtout dans la relation aux autres. Et en particulier lorsqu'il est en face de personnages qui sont, eux, en position haute, avec un but précis, déstabiliser l'autre d'une certaine façon et ne pas le mettre du tout dans une position dans une relation de force. Probablement, ce garçon, Columbo, à un QI déjà, mais il le travaille en permanence, ce qui permet encore plus d'exprimer le talent qu'il a déjà au départ, mais c'est le travail qui permet de faire ça. C'est indissociable, que ce soit dans le monde des échecs, dans le monde de la police, dans le monde des énigmes, de la politique. Si vous n'êtes pas un obsessionnel dans votre domaine, et Columbo en était un, comme Hollande en est un, comme Sarkozy en est un, comme Van Gogh en était un, comme Mozart en était un, si vous n'êtes pas un obsessionnel dans votre domaine, vous ne pouvez pas facilement atteindre ce niveau de perfection qui font que ça confère à la fin au génie. C'est un élément récurrent dans la série. Columbo dit très souvent qu'il adore son métier. C'est-à-dire, on a un simple policier qui dit « j'aime mon métier ». Une journée, c'est 24 heures. On travaille 8 heures, on dort 8 heures, et le reste, c'est 8 heures. Si vous aimez votre boulot, pendant les 8 heures, vous allez avoir une vie douce. Si vous n'aimez pas votre boulot pendant ces 8 heures, ça va être un cauchemar. C'est-à-dire que le tiers de votre vie, vous allez vous emmerder. Le tiers de votre vie, vous allez être aliéné, vous allez être un esclave au service de quelque chose qui simplement vous paye vos factures à la fin du mois. Donc, autant faire quelque chose qui va vous prendre 16 heures ou 20 heures par jour, mais si vous êtes à fond dedans, si ça vous plaît, où est le problème ? C'est clair que Columbo, il est capable d'être sur son énigme et c'est ça qui le fait vivre, c'est son carburant. Donc il peut passer la journée, il peut ne pas dormir, il peut se réveiller la nuit, dire « Oui, voilà, il y a cette idée qui revient, il y avait ça, je ne l'avais pas mis avec ça, donc pourquoi je n'y ai pas pensé avant ?» Le fait d'être dans quelque chose que vous appréciez, mais c'est un luxe extraordinaire sur Terre. Donc si vous arrivez à faire quoi que ce soit que vous aimez, il faut le faire. Écoutez, madame, il y a dans cette affaire des détails tragiques. Et si vous vous sentez sur le point de vous évanouir, une question que je vais être amené à vous poser, faites-le-moi savoir. Je ne voudrais surtout pas vous pousser jusque-là. C'était le premier épisode de Columbo, les 50 ans d'un anti-héros de génie. Avec Pierre Bagnier, écrivain, Lilian Mathieu, sociologue, Aurore Piana, commissaire de police, Alain Bauer, professeur de criminologie, Joël Mignot, psychologue, et Bachar Kouatli, président de la Fédération française des échecs. Coordination Christine Bernard, un documentaire de Sacha Corso, réalisé par Laurent Polleret. La suite du documentaire sur le lieutenant Columbo, ce sera demain à 13h30, pour le moment à 14h. C'est Antoine Guillot et votre séance cinéma que nous retrouvons.